plus l'ego vieillit, plus c'est menaçant pour lui de changer des choses autour de lui, comme de couple ou d'emploi. Alors, il est mieux rester sécure avec son vieux conjoint. Son vieux conjoint. C'est pas moi qui ai écrit la question. Non, c'est ta femme. C'est ta femme qui l'a écrit. Et que j'aille ça quand tu dis ça faire la main. Elle parle du vieux conjoint, alors je sais tout de suite. J'essaie de réincarner ma jeunesse. Bon, alors il est mieux rester sécure avec son vieux conjoint que risquer le mouvement et l'ego est malheureux, mais sécure. Pourquoi le besoin de sécurité l'emporte-t-il toujours sur l'évolution et même quand l'ego sait qu'il doit laisser les vieilles choses, s'y accroche-t-il? Bon, on va, c'est correct, on va juste ajuster certaines choses. Plus l'ego vieillit, en réalité, un ego ne vieillit pas. Tout de suite, le vieillissement, c'est lorsque un ego refuse totalement d'aller vers des choses neuves et recommence maintenant, commence plutôt à nostalgiser, c'est-à-dire qu'il commence à essayer de se nourrir, de créer des synergies à travers les vieilles mémoires de ce qu'il a déjà vécu dans le passé. Là, il vieillit. Donc, un ego qui vieillit est un ego qui se rappelle du bon vieux temps. Bon, plus c'est menaçant pour lui de changer des choses, ce que l'on doit comprendre, c'est que... Je vais t'éclairer un peu pour la réponse. Oui, ça, c'est plus typique de l'enfant avec de l'expérience, capable de s'amuser. Puis quand vous riez, c'est la même chose. Un adulte conventionnel, puis là, il y en a peut-être ici qui ont réagi comme ça, trouverait ça niaiseux. Alors qu'un enfant avec l'expérience trouverait ça amusant ou neutre. Puis très, très souvent, hélas, les adultes, ce qu'ils font, c'est qu'ils trouvent des choses niaiseuses alors qu'ils devraient rire. Puis ils crient, puis ils chialent au lieu de rire. Parce que des fois, c'est drôle, c'est juste drôle, c'est rien d'autre. Parce que vous savez que quand on compte une farce, c'est trop niaiseux une farce. Hein? C'est niaiseux une farce. Bon, c'est évident que c'est niaiseux. Les affaires sérieuses aussi sont souvent niaiseuses. Ben exactement. Puis nous autres, on rit des deux, en tout cas. Donc, il est mieux de rester avec sécure avec son vieux conjoint que risquer le mouvement. Et l'ego est malheureux, mais sécure. Pourquoi le besoin de sécurité l'emporte-t-il toujours son évolution et même quand l'ego essaie? Ce qu'on doit comprendre, simplement, c'est que un ego, ça n'a pas peur tant que ce n'est pas trop gros. Alors, on a une âme d'un enfant qui vient de naître, qui est plus ou moins vide. Il y a des traces à l'intérieur que j'appelle des mémoires volatiles. C'est des mémoires, mais qui ne sont pas agglomérées sur quoi que ce soit. À la longue, l'ego, l'âme plutôt, vit de l'expérience par le biais du corps physique avec l'extérieur et reçoit des mémoires réincarnationnelles au fur et à mesure de l'évolution du corps physique, de la maturité du corps physique. Et progressivement, il y a des mémoires qui sont répétées, répétées, répétées, répétées. À la longue, à force d'être répétées, ces mémoires-là finissent par créer un agglomérat. Donc, ils finissent par se grouper ensemble parce qu'ils sont similaires, alors ils se groupent. Se groupant, ils créent une puissance énergétique, c'est-à-dire qu'ils créent une masse. Créant une masse, chaque fois qu'une expérience similaire arrive au niveau de l'âme, elle est attirée par la masse et elle se colle dessus, ça s'agglomère. Alors, il y aura les expériences, par exemple, de paix, qui vont s'agglomérer, on va faire une nuance rapide, et les expériences de colère, qui vont s'agglomérer. À un moment donné, il y aura suffisamment de particules et de mémoire dans l'âme, que chaque fois qu'une nouvelle expérience va pénétrer l'âme, elle va créer un remous dans l'âme. Le remous, c'est ce qu'on appelle l'émotion. Après un laps de temps avec un enfant, devient émotif. Il est réactif, mais il devient émotif à un moment donné. Plus on vit de l'expérience avec un personnage ou avec un événement particulier, dans un cadre particulier, plus on restimule la même mémoire, c'est-à-dire que plus on la nourrit. Plus elle est nourrie, plus elle prend de l'ampleur. Progressivement, tout ce qui prend de l'ampleur va finir par créer des particularités d'ego, des égos différents. Parce qu'ils vont vivre des émotions similaires, un remous intra-amique, un remous à l'intérieur de l'âme, toutes les particularités vont s'agglomérer ensemble et là, on aura réellement un ego. On aura une identification. À cet âge-là, l'enfant commence à dire « je »,« j'ai faim », plutôt que de dire « Daniel a faim ». Il s'identifie ce qu'il est. Si vous restez longtemps dans la même maison ou même dans le même emploi ou avec le même conjoint, disons 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, si c'est 50 ans de mariage, ça fait 50 ans qu'on nourrit une partie mémorielle qui constitue notre ego. Et je dis bien une partie mémorielle qui constitue notre ego et non pas une partie mémorielle qui nous constitue. Parce que vous n'êtes pas de la mémoire. mais vous vous identifiez fortement à la mémoire. Vous n'êtes pas de l'ego, mais vous vous identifiez fortement à l'ego. Alors, à un moment donné, après 50 ans, une grande, grande partie de notre ego, c'est l'expérience qu'on a avec une personne, avec un emploi, avec nos meubles, notre linge, etc., qu'on garde depuis longtemps. Alors, nécessairement, ce qui va arriver, c'est que si je dois me séparer de mon vieux conjoint, qui est plus très beau, qui est rendu qu'une moustache pour une femme du sport. Quand on évolue, on s'en fout, mais pour l'instant, disons que... Alors, je dois me séparer de mon conjoint. La problématique que mon ego va vivre, qu'est-ce qu'elle est? C'est celle-ci. Vu que je ne vois plus Charles, la partie qui est extrêmement grande de mon ego, qui se nourrit de la présence de Charles, ne pourra plus se nourrir de la présence de Charles. Donc, elle devra mourir. Et il n'y a pas un ego qui aime mourir. L'agglomération des égos qui vont mourir si le corps physique s'en va, c'est ce qui va générer la peur de la mort chez l'humain. Chaque particularité, ou disons l'ego, ne sait pas si, quand il n'aura plus de corps physique, s'il pourra continuer à s'alimenter et s'il sera capable de savoir qu'il est là, sans le corps physique. Et c'est ce qui engendre la peur de la mort. Mais là, l'individu va dire « je reste sécure, même si je suis malheureux ». Le malheur va apparaître parce qu'il y aura probablement une vision dans le mental qui va faire en sorte d'informer l'ego qu'il est peut-être bénéfique présentement de s'en aller ailleurs, de changer d'emploi ou de laisser le conjoint en paix. Pas toujours l'autre qui nous emmerde. On peut le laisser aussi en paix. Mais ce qui arrive, c'est que la partie qui s'est nourrie de la présence, qui était constituée de la présence de l'autre et qui s'en nourrit présentement, elle devra mourir. Sinon, vous devrez amener des photos de l'autre. Vous devrez nostalgiser. Alors là, vous allez refuser le neuf, de rencontrer quelqu'un d'autre pour vous rappeler de l'autre. Ça, c'est ce qui va arriver si la personne décède. Mais si on veut se libérer d'un phénomène qui est dans l'ego, ça devient pénible, souffrant et compliqué, parce qu'une partie de nous, en réalité non, de l'ego, qui devra mourir. Alors, on peut la mourir ou la remplacer. Alors, je ne peux pas quitter mon vieux conjoint, puis subitement, je tombe en amour avec un autre, ah ben là, c'est facile de le lâcher. Pourquoi? Parce que tout ce que j'ai d'expérience, OK, je ne peux plus me nourrir de sa présence à lui, mais je peux continuer à me nourrir de la présence d'un autre, de ses farces, de coucher avec lui, d'avoir quelqu'un dans la maison. Il y a quand même plusieurs choses que je vais pouvoir continuer à alimenter. De ce fait, ah ben là, c'est moins grave. Si je ne trouve personne, bien là, j'aurai des problématiques, alors je pourrais être malheureux, tout en malheureux parce qu'il y aura une friction entre la vision mentale et l'ego. Et en même temps, je ne pourrais pas partir parce que manipulé par mon ego, qui lui ne veut pas mourir de la perte de la nourriture de l'autre, je resterai là. Et c'est ce qui explique la mécanique. Je sens le besoin de connaître ce que j'ai été dans... Avant de poser ça, j'en ai une question. Dans les mariages, dans les associations, etc., on dit tout le temps, ou en tout cas souvent, que si on veut continuer d'évoluer, il faut se laisser, des fois. Parce que c'est souvent le genre de questions qu'on a. Est-ce qu'il n'y a pas aussi que l'évolution, ça serait d'être capable de devenir un individu dans une forme, dans une association, dans un couple, à ce moment-là, ne plus être affecté? C'est faussement vrai et vraiment faux. Parce que ça, c'est une philosophie, une philosophie d'ego, qui va dire, bon, maintenant que j'ai tout manqué, là, ma femme, je ne m'entends pas, mes enfants, il n'y a rien à faire qu'eux autres, là, j'ai la faillite totale, mais pourquoi vouloir m'en sortir? T'sais, je devrais peut-être apprendre simplement à ne pas m'en faire. C'est vrai. C'est vrai, maudit. C'est pas ça que je veux dire. Non, mais c'est vrai pareil, c'est la même chose. Ouais. C'est quand même vrai. Alors, exactement, tu pourrais devenir un individu dans le couple plutôt que de lâcher l'autre. Mais c'est la même chose. Si tu t'entends bien avec l'autre, il n'y a pas de problème, vous enclumez pas. Il n'y a aucun qui est un enclume pour l'autre. Bon, alors ça peut fonctionner. Si à un moment donné, il y a un enclumage qui se fait, il y en a un qui est un poids, puis l'autre qui est un poids pour l'autre, eh bien là, on peut se dire, effectivement, philosophiquement, qu'on devrait apprendre à être capable de ne pas avoir de problème, donc d'être un individu dans un couple. Eh oui. Sauf que c'est peut-être totalement stupide de faire cela. Donc, oui et non. Ce qu'on doit faire, c'est que s'il n'y a absolument aucun moyen de changer les conditions d'une chose, c'est préférable de se changer soi-même. Mais si on peut changer les conditions d'une chose, ce que l'on doit faire, c'est se changer soi-même, oui, et changer la condition de la chose. Deviens un individu dans le couple, sans couple. Là, ce sera bon. Explique-moi ça, là. donner un individu dans le couple, sans couple, ça dit que tu recommences? Non. Ça veut simplement dire que lorsque dans un couple ça va mal, la meilleure chose qui serait à faire, ça serait qu'avant que les individus se détestent, lorsque ça va vraiment mal, eh bien qu'ils s'arrangent pour se laisser, si mathématiquement, mécaniquement, ils peuvent se laisser. Ils peuvent rester amis, ils peuvent se voir souvent, ils peuvent encore se fréquenter s'ils le veulent, mais probablement que c'est bon qu'ils se séparent un peu. Bon. L'humain, normalement, ne fait pas ça. Pourquoi? Parce qu'il est trop manipulé par des égrégores astrales qui se nourrissent de leur souffrance, donc de leur guerre, et qui se nourrissent aussi de leur retrouvailles chaque fois qu'après une colère géniale, là, ils sont chacun sur le balcon avec les valises, ceux qui s'en vont, puis une fois qu'ils sont rendus dehors, la nostalgie commence, puis là, ils disent « Ouais, mais le collier que j'ai là, me l'a donné, puis on vit, puis on broye, puis on s'aime, puis on commence à s'engueuler 2 semaines plus tard. » Bon, ça, c'est le couple normal. Maintenant, ce qui arrive, c'est que lorsque ça va mal, la meilleure chose, c'est de s'en parler, puis on se sépare. Sinon, tu vas rester là. S'il n'y a vraiment aucune facilité mécanique de se séparer, disons que la loi te l'interdit, sinon au step de Russie ou ce que tu voudras, c'est préférable de devenir suffisamment évolué pour ne plus souffrir d'être dans le couple. Ouais. Si tu peux te séparer, deviens suffisamment évolué pour ne plus souffrir d'être dans le couple et dissous le couple. C'est logique, c'est évident, c'est intelligent, c'est bien. C'est comme de dire, je suis maintenant capable de ne pas souffrir de voir ma maison brûlée. Bon, maintenant, je peux l'éteindre. Plutôt que de dire, ah ben maintenant que je ne souffre plus, je laisse brûler. Non, c'est pas vrai, c'est pas ça, là. Alors, souffre plus d'être dans un couple, et si le couple est pourri, casse le couple. Parce que tu perds de l'énergie, veux, veux pas. T'es pas à ta bonne place. Je donne un exemple encore une fois, tu es dans un couple, c'est parfait, tu aurais des relations intéressantes avec ton voisin, ou ta voisine, puis ça peut être du même sexe ou d'un sexe opposé, mais parce que la femme ou l'homme est totalement jaloux, totalement possessif, ça te dérange plus. Mais tu n'as aucun ami chez vous, tu n'invites personne, tu rencontres personne, puis tu parles à personne, puis c'est... Mais ça ne te dérange plus, c'est vrai. Là, tu es dans un monastère. C'est-à-dire que tu évolues, mais coupé du monde. Et à un moment donné, il faut que tu sortes du monastère. Okay, je vais reposer ma question autrement. Je vais te répondre autrement. Si ce qui fait que tu te sépares ou que tu t'engueules, c'est la jalousie, dans cet exemple-là, si tu cesses d'être jaloux, il n'y en a plus de problème. Si tu continues d'être jaloux, comment tu te remarierais 22 fois, ça va toujours recommencer. Oui, mais le problème qu'il va y avoir, c'est que si c'est toi qui es jaloux de ta femme, là, tu n'as pas de problème, c'est elle qui l'a le problème. C'est ça. Alors si elle cesse d'être jalouse, tu vas toujours être aussi jaloux d'elle, même si elle évolue, ça ne changera pas ta jalousie. Il faut que les deux le fassent. Il faut qu'elle s'en aille. Il ne faut pas que les deux le fassent, il faut qu'elle s'en aille. Parce que s'il faut que les deux le fassent, ça veut dire que tu décides de t'immiscer dans l'évolution d'un autre, de changer l'autre malgré son plan de vie, de perdre la moitié de ta vie, sinon toute ta vie, à te massacrer sur l'autre, et puis en plus, probablement que l'autre, juste si tu t'en vas, vas-tu comprendre, puis se trouver avec une autre personne, puis pas être jaloux, puis être jaloux encore, au moins, t'es libéré de son karma, ça vaut vraiment pas la peine de t'assujettir le sien. Tu sais, quand on dit on se marie pour le bien et pour le pire, on se marie toujours pour le pire. Quand ça va bien, on n'a pas besoin de contrat, c'est quand ça va mal qu'il y a une chance qu'on ait un contrat. Alors que faut faire bien attention avec l'idée. Parce que pourquoi c'est l'astral qui crée les contrats comme ça? C'est des contrats astro, ça, qui crée des désastres. Pour la simple raison que si vous dites, oui, mais si le couple a eu des enfants, c'est autre chose. T'as pas besoin d'un contrat. Soyez intelligent un peu, puis on va s'arranger avec les enfants. On se sépare ou on se sépare pas, mais on s'arrangera pour être heureux malgré tout. Mais c'est pas ça, c'est que les égos se sont solidifiés pour que, premièrement, tous ceux qui vont vivre de l'expérience du couple ne soient pas obligés de mourir dans leur expérience interne parce que le couple est éclaté. Ça peut être l'enfant, comme on dit souvent, mais un couple qui se sépare, c'est désastreux pour les enfants. Alors qu'à Tahiti, à Papété, dans ces coins-là, avant que l'homme blanc arrive en Polynésie, les femmes et les hommes n'avaient pas remarqué encore que la relation sexuelle, c'est ça qui rendait les femmes enceintes. Alors, il y avait des enfants de temps en temps, puis les enfants appartenaient à qui? Ils appartenaient à tout le monde. S'ils voulaient coucher là, ils allaient coucher là. S'ils voulaient manger ici, ils mangeaient ici. Tout le monde s'en foutait. Puis ces enfants-là étaient des enfants super heureux. Les couples étaient super heureux. Il n'y a pas de couple. On remarque bien, ça copulait, mais il n'y a pas de couple. Et tout le monde était bien. Il n'y avait aucun problème, pas de jalousie, pas de bataille, pas de chicane, peuple super pacifique, les enfants super équilibrés. Et alors qu'il n'y avait pas de famille. Mais pourquoi? Parce qu'on n'avait pas inculqué dans l'astral de l'enfant l'importance de la famille. C'est évident. Prenez un exemple, par exemple. Oui. Un exemple, par exemple. Vous avez un enfant. Faites-lui un massage. Vous faites un massage à votre enfant. Il a 5 ans, 6 ans, faites un massage. Et à un moment donné, vous vous rendez compte que par-dessus le linge, bien compliqué. Alors, vous le déshabillez. Vous lui faites un massage. Là, il va à l'école, il a 6 ans. Il va à l'école. Puis là, rendu à l'école, on lui explique c'est quoi les incestes, les ici, les dangers de ça. Là, on commence à y expliquer. Quand un adulte là, commence à te toucher, là, puis tu ne tripes pas tes épaules, là, ça veut dire. Et quand tu reviens à la maison, y a-tu peur de son père ou de sa mère? Et puis, à un moment donné, par exemple, disons que le père aurait été, ou la mère, parce que la mère, elle peut jouer même avec le sexe d'un enfant. Mais le père, c'est dangereux. Là. Bon. Parce que la mère, on lui laisse changer les couches, fait qu'en même temps, on lui donne un salaire. Elle peut jouer avec le corps de l'enfant, mais en réalité, elle ne viole pas l'enfant. C'est simplement esthétique, c'est beau, c'est amusant, il s'amuse. Mais parce qu'on n'a pas mis là-dedans, à un moment donné, la barrière du « attention, danger », il n'y a pas de problème. L'enfant n'est pas traumatisé. Et à un moment donné, l'enfant, par exemple, disons que le père aurait voulu jouer avec son corps, au jeune de 5-6 ans, jamais le père y fait mal, le père s'amuse, l'enfant il tire son compte, l'enfant s'amuse. Ah oui, ceux qui s'amusent, il ne sait pas ce que le bonhomme il fait. Le bonhomme il ne fait rien non plus. Et puis, à un moment donné, ben là, quand on va tout lui inculquer l'idée de tout ce qui s'est passé, là, ben là, peut-être qu'il y aura un traumatisme. Alors que si on y aurait dit simplement, ben, tu sais, à un moment donné, fais attention, il y a des bonnes âmes ou des bonnes femmes, ça peut aller beaucoup plus loin, ça peut même te faire mal. Ou encore, y aller contre ton gré. C'est assez. Tant qu'on s'amuse, on s'amuse. Tu vois, dans un camp de naturistes, il y en a un qui me regarde là-bas. Qu'est-ce qu'on a à foutre? Tu te promènes seul dans le bois, les oiseaux te regardent bien, t'en meurs pas. Tu sais, on n'en a rien à faire. Bon, si tu sautes dessus, c'est autre chose. Mais, bon, alors c'est la même affaire au niveau de tellement de structures, on peut tellement simplifier uniquement si on laisse tomber. C'est dans ton couple, vous vous engueulez, il y a ceci, il y a cela, la séparation, ça va-tu nuire aux enfants? Ça dépend de ce qu'on a inculqué dedans. Puis ça dépend comment le mental inculque à nos égaux comment on va vivre. Moi, je te dis simplement, si le couple, ça va pas, ton automobile, elle marche toujours mal, tu fais quoi? T'sais? Mais quand c'est une question d'humain, que ça va pas, puis qu'on se déteste, puis qu'on s'haït, bien là, peut-être qu'on devrait faire un effort, puis continuer à s'engueuler plus longtemps. Pas se séparer. On n'améliorera pas les situations. Non. Et c'est ça. Mais si mon auto va toujours mal, parce que je conduis mal. Oui. Ben, si je change d'auto, je change d'auto. Exactement. Autrement dit, si ta femme veut te sacrer là, change de comportement. Mais si tu veux t'en aller, c'est à elle de changer de comportement, pas à toi. Puis si elle ne change pas, change-la pas, va-t'en. D'accord. Je vais y penser, là, je ne suis pas sûr. Puis là, j'ai pas dit. Je vais en parler à ma femme, là. On va à ta femme, de rester là longtemps. Là, je parle encore une fois des couples. Vous savez, il y a des personnes qui me disent, voyons, non, ça n'a pas de maudite allure, ce qu'il dit là. Ben oui, mais j'ai rencontré des couples, moi, de femmes battues, d'hommes battus, puis d'enfants battus, puis uniquement parce qu'ils auraient dû se lâcher. Mais ils se lâchaient pas, ça n'a pas d'allure. Puis quand ils se défoulaient en maudit, après ça, ils se pardonnaient, puis ils s'aimaient, etc. Je sais pas qu'il y en a un qui est mort, un enfant ou la femme plus souvent qu'autrement. Puis le bonhomme, tout malheureux, évident. En tout cas, il n'a pas lâché, tu sais. On parle quand ça ne va pas, puis j'expliquais ici pourquoi au niveau de l'ego, mais quand ça ne va pas, règle le problème. Si c'est toi, règle-le. Si c'est l'autre, règle-toi. Je sens le besoin de connaître ce que j'ai été dans mes vies antérieures. Vous dites qu'il est mieux de se concentrer sur notre enfance pour évoluer, mais de mon côté, je fuis tout ce qui représente mon passé infantile. C'est une douleur inexprimable que je ne peux supporter. Quelle complexité! Je veux effacer mes mémoires du passé qui me font souffrir pour pouvoir évoluer plus sainement. Bon. Tout à l'heure, j'ai bien expliqué que ce que l'on doit réincarner au niveau de l'enfant, autrement dit, réincarner donc n'importe quel enfant, c'est aussi bon, ou n'importe quel jeune, c'est aussi bon. J'ai bien expliqué que ce n'est pas l'expérience de l'enfant qu'on doit incarner, mais c'est la façon dont on vivait, dont on vivait notre conscience. L'enfant qui a le goût d'un monde meilleur, ça se réincarne. C'est pas la volée que ton père ou ta mère te donnait. C'est l'attitude qu'on a. Oui, comme tout à l'heure, j'expliquais, c'est la capacité de pouvoir changer de maison. Le jeune a ça. Mais c'est pas, oui, mais j'ai toujours changé, puis il y a toujours eu des coquerelles dans toutes les maisons où j'allais. C'est pas l'expérience que je veux que l'humain doit réincarner, c'est ce qu'il a été au niveau de sa conscience. C'est la façon dont il voyait les choses, ce qui est déjà important. Après ça, j'ai le besoin de connaître ce que j'étais dans mes vies antérieures. C'est faisable, La meilleure chose à faire, c'est d'attendre, parce qu'à un moment donné, vous aurez des intuitions d'avoir été telle ou telle ou telle personne, ou tel personnage. Une nuance, hein? Une personne, personne ne connaît ça, un personnage, on en parle. Sauf que, où on doit faire attention, c'est dans l'égoïsation de la découverte, parce qu'à un moment donné, on va découvrir qu'on a peut-être été Charlemagne. Sachez qu'il y a peut-être 800 000 personnes aussi qui ont été Charlemagne autour de vous. Là. On n'est pas, on peut être juste le bras droit de Charlemagne. Alors, on ne se dit pas, donc, j'ai déjà été un roi ou une reine, et ça veut dire que le monde doit m'écouter. Là, tu réincarnes l'orgueil de Charlemagne. Mais on doit aller chercher les choses les plus utiles, les plus ajustées, ce qu'on a besoin pour continuer à avancer. Donc, ce n'est pas nécessaire de se dire, tiens, j'ai été telle chose. Ça, on n'a rien à foutre. L'important, c'est de ramasser les choses. Est-ce que vous réincarnez de l'aristocratie? Devenez aristocrate. On n'a rien à faire de savoir qui vous avez été. Imaginez-vous si Charles saurait ce qu'il a été, puis moi aussi, subitement, puis là, on est bien ensemble, on n'a pas mis de mots puis de noms, mais on sait qu'on était des aristocrates, par exemple. Alors, on va jouer au golf de la même façon, on fait des choses, bon. Puis subitement, il trouve le nom. Puis moi aussi, je trouve le mien, puis je suis d'accord avec le sien, d'accord avec le mien. On s'est reconnus pendant trois vies, puis on s'est toujours massacrés en duel. Mais là, on a des problèmes. Parce qu'au lieu de gérer uniquement l'énergie du phénomène, on va commencer à ramener l'expérience du phénomène qui, dans nos vies du passé, n'était pas nécessairement très évoluée. Parce que l'humanité dans le passé, c'est pas beau aujourd'hui. Imaginez-vous avant, ça peut polluer encore dans la conscience de l'humain. Alors, quand on dit retrouver ce qu'on était dans le passé, moi, ce que je préfère que l'humain fasse, c'est que restructurer donc le passé pour vous en servir aujourd'hui. C'est réincarnationnellement très utile. Et en même temps, ça nous évite d'avoir à perdre notre temps dans des voyages astrales, en anglais ou en franc-anglais, on dit dans des tripes. Alors, on dirait dans des tripes d'ego, dans un snobisme, dans différents phénomènes du genre où finalement, on s'énergise égoïquement, on se plaît et on s'amuse, on apprend, on a l'impression qu'on évolue, on n'évolue pas, on apprend. L'évolution est une question de compréhension puis d'énergie, pas de mémoire. Et là, on va se dire, on fait par exemple, on peut faire des voyages astraux pour aller savoir qui on était. On peut faire de l'hypnose pour faire des régressions. Dans la majorité des cas, c'est une perte de temps. Pas dans tous les cas, non. Dans la majorité des cas, c'est une perte de temps. Alors, laissez l'intuition vous guider. Puis quand vous penserez que, ça se peut que, faites-en pas une thèse, continuez à être ce que vous êtes, puis essayez simplement de ramasser peut-être quel personnage est intéressant. Vous allez attirer ça comme mémoire, ça va vous donner son expérience. Ça va vous faire marcher comme lui, où ça va vous donner un regard différent. Puis il y a des petites choses qui vont changer, et là, vous devenez le digesteur. Vous digérez ce qui se réincarne, vous ne vous faites pas digérer par ce qui s'en vient. Autrement dit, vous ne vous faites pas posséder. Comment défaire le mécanisme qui me fait passer d'un état dépressif grave à un état euphorique aussi angoissant, ce qui m'enlève toute confiance et me maintient dans un état de confusion permanent? Premièrement, la personne devra surveiller son alimentation. Il y a énormément de facteurs qui peuvent influencer ces deux états-là. Le corps physique, c'est ça qui est important. C'est le corps physique qui détermine de quelle façon la psychologie va s'exprimer. Pas la conscience, quand la conscience est suffisamment présente. La personne doit faire ça et elle devra pratiquer, apprendre du moins à pratiquer certaines techniques, soit de respiration. Et lorsqu'elle commence à déprimer, puis souvent, chez certains individus, ça se fait, t'es un snick, tu t'en rends pas compte, t'es fait. Lorsqu'elle commence ou lorsqu'elle est, elle devra se créer des mémoires d'intervention, une forme de discipline intérieure qui va l'obliger à se mettre dans l'application d'une technique, probablement de respiration, ou de yoga, ou de menfi. Il y a différentes techniques qui viennent du passé ou qui sont neuves, qui peuvent être employées par l'individu, et elle devra appliquer ça immédiatement que ça va mal. Ce que la personne devra se faire, c'est qu'elle devra préparer sa mémoire d'intervention. Donc, lorsqu'elle va bien ou lorsqu'elle est neutre, bien, elle devra observer, puis en parler avec quelqu'un, ou sans parler avec elle-même, pas penser, là, parler, puis s'écouter. Ou en parler avec quelqu'un, ça paraît moins idiot, mais c'est qu'une question de paraître. Elle peut aussi s'en parler à elle, pas en penser, parler avec la voix et écouter ce qu'elle dit, pour pouvoir bien structurer ce qu'elle est, elle. Je ne suis pas, bon, elle n'aime pas être à la merci d'une trop grande euphorie ou d'une trop grande dépression. Elle devra en parler pour se reconnaître, elle. Autrement dit, est-ce que je désire être en dépression? Non. Bon. Est-ce que je désire être en euphorie et souffrir? Non. En partant, ce n'est pas moi. Ce n'est pas ce que je désire. L'être humain est manipulé. Si elle ne le comprend pas encore, il faudra à un moment donné qu'elle dialogue ou qu'elle observe un peu l'idée. L'humain est manipulé. Alors, elle est manipulée par son ego, et l'ego joue en bas pour se nourrir de la dépression, il joue en haut pour se nourrir de l'euphorie, et elle, là-dedans, ben, dans le corps physique, ben, elle cohabite avec le locataire qui est l'ego. Donc, la personne doit se faire une vérification, une espèce de structuration de ce qu'elle est réellement. Quand elle commence à déprimer, ben, faut qu'elle apprenne à observer que, ça y est, je suis encore déprimé, mais c'est pas moi. Mais j'ai juste le goût de broyer, mais c'est pas moi. Bon, peut-être que broyer, ça va aider, peut-être que non. Et là, elle commence à faire ses techniques. Si elle a su se dire, crime, c'est pas moi, fait qu'elle aura l'énergie qu'il faut pour commencer à faire des techniques qui vont juste replacer le corps physique du point de vue moléculaire, que ce soit en respiration, par l'oxygénation, par l'hydrogénisation, et que ce soit au niveau endocrinien encore par la réaction réflexe des muscles respiratoires lorsque les contrôles, que ce soit par certaines techniques de yoga, quelques mouvements de yoga particuliers, comme par exemple la position de la perche. C'est extrêmement renversant pour l'ego. C'est-à-dire qu'on se tient sur la tête, les pieds en haut. Bon, ça va aider. Il y a des petites choses comme ça qui vont replacer le corps physique, et c'est ce que la personne doit apprendre à faire pour parvenir à avoir une forme de stabilité, pour que le mental commence à contrôler. Le mental commence à contrôler, l'individu peut descendre ou monter, mais progressivement, il va créer une mémoire d'intervention qui va faire qu'à la longue, l'individu va descendre de moins en moins bas, monter de moins en moins haut, puis il finira par avoir une stabilité au milieu. Lorsque l'homme réincarne son présent, sa jeunesse, réincarne-t-il l'astral avec? Exemple, je suis allé dehors fumer et je me voyais quand je fumais en cachette. L'ego vivait le stress. Dans cet exemple, il faut digérer l'émotion de l'événement. Sinon, explique. Exactement ce qu'il faut faire, c'est que si on doit digérer la jeunesse, mais là, ce que la personne aurait dû faire, c'est que mentalement, on doit observer ce qui se passe. Donc là, elle le fait aussi un peu. Elle se rend compte qu'elle réincarne quand elle était jeune, qu'elle fumait en cachette, puis l'ego recommence immédiatement. C'est de la nostalgie. L'ego recommence immédiatement à vivre le même stress, c'est logique. Et là, ce qu'elle doit se dire, elle doit observer la mécanique. Puis là, elle doit commencer à instruire son jeune. Tu cesses d'avoir peur, là. Moi, ça me dérange pas que tu fumes. Parce que là, c'est le père là, qui parle à l'autre, là. Il est réincarné du bonhomme, là, ou de la bonne femme. Et là, on doit commencer vraiment à le rééduquer. Et c'est ce qui va arriver. À un moment donné, vous allez pouvoir reprendre juste ce qui est de beau dans le jeune, puis le rééduquer en fonction de la vision du mental que vous avez présentement. Puis ça va se faire tout seul. Parce que c'est évident qu'une personne qui revit une mémoire du passé revit automatiquement l'émotivité. D'après vous, qui est réincarné? Les bons et les méchants ou les bons seulement? Les méchants seulement? Ou les méchants seulement? Bon et méchant, c'est une vision. Certains ne sont pas conséquentiels. Moins on est conséquentiel, moins on est planétairement conséquentiel, donc on peut réduire. Moins on est au niveau du clan conséquentiel, au niveau de la tribu conséquentiel, au niveau de notre société conséquentiel, au niveau de notre nation conséquentiel, au niveau de la planète. Bon, il y a des niveaux comme ça. Plus ceux qui sont vibrants dans de l'intelligence sont réchauffés, et tout ce qui est froid les refroidit, donc ils appellent cela méchant. Alors que le contact des méchants avec les bons rend bons les méchants, il rend souvent méchants les bons. C'est-à-dire qu'ils colorent lentement. C'est pas un échange complet, mais souvent il y a des interférences. Qui se réincarne? Toutes les mémoires expérientielles se réincarnent, sans exception. Et plus l'humain est capable d'évolution, plus il rejette des mémoires disons, noires à l'extérieur. Et celles-ci sont récupérées par les humains les plus faibles, qui deviennent, plus l'humain devient bon, plus ils deviennent normalement noirs. Sauf que ça va tout se digérer, c'est une question d'énergie qui est encore un peu trop refroidie. Quand on dit dans chaque être humain, il y a du bon, ben, c'est évident. Même dans un être humain totalement noir, il y a du bon. T'as qu'à changer le noir en blanc, ça reste de l'énergie. Réchauffe l'eau. Dans de l'eau froide, il y a de l'eau, puis dans de l'eau chaude, il y a de l'eau. C'est l'eau qui est importante, c'est pas le froid ou le chaud. Mais il y a une condition qui est plus plaisante, celle de la chaleur. Bon, alors il suffit de placer de l'énergie là-dedans ou de créer un mouvement moléculaire, bref, une synergie. Tout se réincarne. Il n'y a pas de bon et pas de mauvais, mais disons que bon et mauvais se réincarnent. Bon et moins bon. Quelle est la mécanique pour réincarner les capacités d'être individuel, d'accepter le neuf, par exemple, que j'avais quand j'étais plus jeune, si je l'ai perdu? En tout cas, si vous l'aviez, c'est que vous ne l'avez plus. Vous ne pourrez pas réincarner cela immédiatement. Vous allez devoir redessiner une conscience individuelle dans votre conscience d'adulte. Ça veut dire être de plus en plus désassujetti de l'interférence de la mode sur vous, des modes vestimentaires, alimentaires, etc., de l'opinion d'autrui. Ça ne veut pas dire qu'on fait exprès pour niaiser les autres. L'homme est encore assujetti à l'opinion d'autrui. Ce que je veux dire, c'est qu'on s'arrange en fonction de nous-mêmes, puis on ne doit plus accepter d'être changé par l'opinion d'un autre. Simple. Ça veut simplement dire ça. Alors, ta cravate, ça va tout. Ça me semble qu'il faut faire un autre genre de nœud. Il ne devrait pas le faire, sauf s'il voit de l'intelligence dans ce que je dis, puis vous allez voir que plus souvent qu'autrement, quand quelqu'un vous donne un conseil de ce genre, il n'y a pas d'intelligence dans ce qu'il dit. Tout ce que je veux communiquer consciemment, c'est que moi, si j'étais à ta place, c'est pas ça que j'aimerais. Vu que je suis pas à ta place, puis que je la vois, je l'aime pas plus, ça change de don pour que je l'aime. On doit se désassujettir de, on ne doit plus être manipulé par l'opinion d'autrui. Ça veut dire qu'on ne réagit plus lorsqu'une personne nous donne son opinion en fonction de ce que nous pensons, ou de ce que nous faisons, ou de ce que nous sommes. Sauf s'il y a de l'intelligence. Et quand on aura restructuré cela, vous allez vous rendre compte que très progressivement, vous allez recommencer à avoir le goût du neuf. Et là, quand vous allez commencer à vous rappeler des petits points de votre jeunesse, vous allez essayer d'agir comme vous auriez agi. C'est ça, réincarner, c'est tout à l'heure j'expliquais, c'est on doit adopter des attitudes, des ondes de forme. Alors, vous, quand vous aviez 20 ans, ou 17 ans, ou 12 ans, ou 40 ans, comment auriez-vous agi dans la situation qu'il y a présentement du point de vue de votre lucidité claire? Ah ben, j'aurais sauté sur l'occasion. Peut-être qu'il faudrait que vous sautiez sur l'occasion. Et maintenant que vous pourriez sauter sur l'occasion, devenez un enfant qui a de l'expérience. L'expérience sera analysée par l'enfant de cet âge-là, ou le jeune de cet âge-là, et non pas par l'adulte cristallisé, peureux de l'âge qu'on a aujourd'hui. Et de ce sens-là, on réincarne les mémoires de notre passé. Mais avant, on doit structurer une individualité au niveau de notre conscience. Et de quelle façon? On pourrait expliquer longtemps. Bon, j'explique souvent longtemps au niveau du séminaire pour qu'on arrive à comprendre chacune parcelle des mécaniques. Mais si on veut résumer brièvement, c'est ça. Quand quelqu'un vous dit que c'est pas correct, changez pas. Que c'est correct, ben c'est correct, c'est déjà correct, c'est correct, c'est fini là. Sauf si, intelligemment, vous croyez qu'il a raison. Et la meilleure chose, ce n'est pas de vous dire, ouais, mais peut-être qu'il a raison, peut-être que je devrais mieux faire. Là, vous ne le savez pas. Si vous ne le savez pas, bougez pas. Vous avez peut-être tort, ça se peut. Mais au moins, vous êtes vous-même. Donc, finalement, vous avez raison. Pas raison sur la cravate. Vous pouvez comprendre l'idée. On s'en fout de la cravate, on s'en fout de savoir si vous avez acheté le bon billet ou pas. C'est pas raison là-dessus. C'est raison au niveau de la vie. D'après vous, où allons-nous après la mort? Il y en a trois. Où vous allez après la mort? Dans le monde de la mort. En métro ou en autobus, comment là? Le corps physique est plus incapable énergétiquement de retenir le corps vital, donc la vie le quitte. Le corps vital, c'est la vie. Le ponctueux tripote la vie, yin et yang, yominal, qui n'ont pas encore découvert, mais ça va venir. Et quand le corps vital quitte, la vie quitte, donc le corps oublie sa mémoire, il pourrit, il se défait. Le corps vital gagne le monde, le plan moronciel, qui est le plan de transition. Il y a une âme et il y a de l'ego à l'intérieur. L'âme, lorsqu'elle est dans le plan moronciel, elle ne sait pas où aller. Elle essaie de revenir sur le plan planétaire. Elle ne peut pas. Il n'y a pas de corps physique qui l'attire, sauf si elle se réincarne en partie. Elle voit une lumière extraordinaire qui est la lumière du monde de la mort. Et là, il y a des entités qui descendent du monde de la mort. Ce sont des mémoires de ses parents, de son chien, de son serin, des affaires comme ça. Ou de... Comme c'est, elle n'a pas de deuil physique pour voir, elle voit ça extrêmement lumineux. Comme ça descend et que dans sa théologie, quelle que soit la théologie, tout ce qui est lumière, c'est bon, eh bien, elle va immédiatement vouloir suivre ces lumières-là, et elle va les suivre, et elle va arriver jusqu'à la membrane du monde de la mort. La membrane du monde de la mort, c'est de l'énergie vitale. C'est elle qui sépare le monde de la matière au monde astral, le monde de la mort. L'enveloppe, le périsprit, l'énergie vitale, l'enveloppe de l'âme touche le monde de la mort et ne peut pas pénétrer le monde de la mort, alors il souffre. Et tout ce qui est astral dans l'humain, donc là, l'ego, avec les mémoires volatiles, l'expérience, gagne le monde de la mort. Parce qu'il n'y a plus d'enveloppe, c'est plus protégé, et c'est là que ça commence à se dissoudre, de se mélanger à tout ce qui est similaire. On appelle cela la force purgatorielle dans la théologie catholique. C'est-à-dire que tout ce qui est extrêmement bas commence à s'en aller en premier, libérant ce qui est de plus en plus haut. On dit tu payes tes péchés, etc. Tu souffres un bout de temps jusqu'à temps que tu arrives à la haute force, la haute spiritualité du monde astral. Et là, tu rejoins tous ceux que tu as connus et aimés pour l'éternité. C'est vrai, tu te fusionnes à eux, puis tu n'es plus toi, puis tu es tout le monde. Quand il y aura un processus réincarnationnel, l'humain va revenir. Où l'humain va après sa mort, si l'humain a un double éthérique, c'est autre chose. On va y revenir dans les conférences du mois de juillet, je crois, surtout. Est-ce l'âme ou l'esprit qui est éternel? L'esprit n'est pas éternel et l'âme non plus. L'esprit, c'est qu'il y a une mécanique qui, de par son principe, s'exprime en dehors du temps. Alors, du point de vue d'une créature du temps, on peut dire l'esprit, c'est éternel. Ça n'a ni commencement ni fin, parce que c'est instantané. Si c'est instantané, ça n'a même pas de présent. Donc, c'est même pas dans le temps. Alors, on peut dire l'esprit est éternel, mais réellement parlant, l'esprit, elle est là. Il n'y a pas d'éternité, il n'y a pas de rien, c'est là. L'âme tient à être éternelle, c'est-à-dire immortelle. L'âme veut devenir éternelle, c'est-à-dire que la mémoire veut ne pas s'oublier. La personne, elle est morte, mais elle ne mourra jamais dans notre mémoire. C'est ça. Et ça, c'est une garantie minimum. Alors, les personnes, souvent, quand ils vivent, ils veulent laisser une trace dans les générations à venir. Ils espèrent qu'on va se souvenir d'elles. Pourquoi? Parce que sinon, elles vont mourir d'une certaine façon. Alors, l'âme fait tout cela. Donc, le culte des ancêtres, après ça, on a nos prophéties, nos prophètes, on en parle encore. On essaie d'entretenir ces choses-là. L'âme, c'est mortel, mais ça va vivre des milliards d'années. Jusqu'à temps où, à un moment donné, le temps sera résorbé. Y a-t-il deux endroits après la mort, un pour les bons et l'autre pour les mauvais? Il y a deux endroits après la mort, si on veut. Il y a un endroit pour les parties bonnes chez vous, il y a un endroit pour les parties mauvaises chez vous. Et c'est la phase purgatorielle de dissolution. Il y a les intraterrestres et les infraterrestres. Ou est-ce la même chose? C'est la même chose. Que deviennent les sons et les gestes imminents par les gens? Pas sûr de imminent. Émis par les gens. Bon, que deviennent les sons et les gestes émis par les gens? C'est simplement mémorisé dans l'atmosphère, dans l'air, dans les murs, un peu partout. De temps en temps, on a même des matières plus sensibles avec des lecteurs. Ça peut être mémorisé sur des cassettes vidéo, sur des appareils photographiques, mais c'est simplement mémorisé partout. La mémoire du temps, on appelle ça l'akasha. On parle d'anal akashique. C'est le monde astral aussi. Alors, tout est simplement enregistré, mémorisé. Ça crée de l'expérience, ça accumule de l'énergie. Puis, à un moment donné, ben, c'est des souvenirs qui se promènent un peu partout. Puis, qui manipulent aussi des individus. Si déjà, à 10 ans, je réincarne 20 millions d'entités, comment serais-je plus moi si je rajeunis à 10 ans, alors que déjà, à 10 ans, je n'étais pas moi? Pour être soi, n'est-ce pas nécessaire de ne pas avoir ni l'ego de 10 ans, ni celui de 40 ans? Si les mémoires des 100 premiers humains se sont réincarnées dans les 200 suivants, ce sont donc toujours les mêmes mémoires, les mêmes 100 mémoires, dans 5 milliards d'humains. Bon, comme j'ai expliqué au début, j'ai expliqué un peu à l'ordre des questions, je reviens un petit peu là-dessus. Ce n'est pas l'ego, c'est simplement ce qu'on doit comprendre, c'est que quand l'humain est capable de créer une forme, donc on parle d'ego ou on parle de mémoire simplement, il prend de l'énergie et cette énergie-là étant incapable de s'en servir pour muter ou pour augmenter, donc pour s'énergifier, pour se créer un corps d'énergie, il la garde. Pour la garder, alors qu'il n'est pas capable de s'en servir, il doit créer une forme, c'est-à-dire qu'il doit la placer dans un récipient particulier, dans un monde où on conserve les choses. Ce monde-là, c'est le ciel, c'est-à-dire c'est le monde de la mort. L'être humain qui a des égos, qui a de la mémoire ou quoi que ce soit, de toute façon, il réincarne 24 heures sur 24. Mais ces réincarnations-là, la problématique, c'est que l'information contenue dans la réincarnation vient se juxtaposer à l'information de notre vie et ça nous manipule. Alors que quand je parle de digestion, c'est qu'on digère. Donc, on ne devient pas une pomme après avoir mangé une pomme. La pomme devient un corps physique après avoir mangé une pomme. Quand on fouille dans les mémoires du passé, la personne, elle dit, quand mon ego était un ego de, par exemple, 20 millions d'individus, moi, j'ai bien expliqué tout à l'heure que c'est l'attitude particulière de l'expérience de l'esprit dans le corps physique avec un minimum d'ego. Quand vous étiez jeune, vous n'aviez pas l'ego d'aujourd'hui. Vous aviez un ego beaucoup plus transparent. Donc, vous étiez beaucoup plus pur. Et c'est ces attitudes progressives-là qu'on peut aller rechercher en termes d'expérience qui vont venir reprogrammer notre ego pour lui permettre plus facilement de laisser couler, comme on l'aurait fait si on aurait été jeune encore aujourd'hui, avec l'expérience qu'on a de la vie aujourd'hui, comme on aurait fait à l'époque, on aurait laissé couler notre intelligence, notre spontanéité, plus facilement. Chaque fois que l'être humain réincarne, quoi que ce soit, il réincarne de l'énergie. Quand je parle de digestion, c'est un mot extrêmement important pour me suivre, parce que la digestion, c'est la capacité qu'on aura de retrouver l'énergie dans une forme en détruisant la forme. Donc, si je réincarne 30 millions d'individus, j'aurai suffisamment d'énergie probablement pour devenir immortel. Immortel dans ma conscience. Sauf si je suis digéré par les individus, alors je me plaindrai de la pluie du beau temps comme ils sont toujours pleins de la pluie du beau temps. Je serai colérique, je serai ceci, je serai cela comme ils l'ont toujours été. Je n'aurai rien changé. Mais je serai quand même plus puissant. Si je rencontre un de mes ancêtres, je vais le planter psychologiquement. Mais je ne suis pas plus évolué. J'ai plus d'énergie que lui, mais je m'en sers aussi mal que lui. Quand je parle de digérer, cela veut dire que moi, en tant qu'intelligence, je deviens de plus en plus puissant là où je veux aller. Je suis de moins en moins manipulable par les vecteurs qui ont manipulé l'humanité. Je me sers de l'énergie contenue dans la forme, mais je ne m'assujettis pas à la forme de l'énergie. Et c'est ça, l'intelligence de la réincarnation. De toute façon, ça réincarne 24 heures sur 24. Mais on peut digérer la réincarnation. Alors, on reste soi dans notre conscience, mais on est encore plus puissamment soi, sans jamais savoir qui on est. Parce qu'on n'en a pas besoin de savoir qui on est. Savoir qui on est, c'est savoir qui on était, le 30 secondes. C'est de la mémoire. Dans le monde de la mort, quel est le rôle de l'astral? Y a-t-il une interférence entre l'astral planétaire et notre âme? Bon, premièrement, l'astral, le monde de la mort, c'est la même chose lorsqu'on parle d'astral planétaire. Les mécaniques qui se passent dans notre âme, l'astral humain, ce sont les mêmes mécaniques qui se passent dans l'astral planétaire. L'ego de l'homme, c'est un égrégore humain. L'ego de l'astral planétaire, c'est une religion, une nation, des choses du genre. Y a-t-il une interférence entre l'astral planétaire et notre âme? Absolument, régulièrement, tout le temps et sans arrêt. C'est-à-dire que il y a des personnes assez sensibles, à un moment donné, qui me disent, bon, je suis parti de Saint-Hyacinthe, et puis il y avait une atmosphère bizarre, c'était déprimant. Je suis arrivé à Montréal, puis c'était parfait. Et puis, quelques heures après, ben, il me semble que l'atmosphère commençait à être déprimant à Montréal aussi. Je retournais à Saint-Hyacinthe, puis c'était beau. Là, je lui demande, oui, parfait, as-tu remarqué le vent se fait dans quelle direction? Le vent venait de l'est. C'est ça. L'atmosphère de Saint-Hyacinthe, progressivement, a été soufflée par les vents, est arrivée à Montréal. Les gens bénéficiaient de ça. C'est-à-dire que l'astral, ça suit aussi les vents. Il y a des égrégores fixes, il y a des égrégores mobiles. Il y en a qui sont assujettis aux planètes, donc on manipulera l'humain, on calculera la position des paliers mobiles par la position des planètes, on appelle cela l'astrologie. Mais il y a aussi d'autres mécaniques que l'humain ne connaît pas encore précisément, mais il y a d'autres mécaniques. Alors, l'ego, l'âme, est totalement manipulé par l'astral extérieur. De ce fait, s'il y a une personne qui se met à pleurer dans la salle, il y en a d'autres qui progressivement vont commencer à se faire ramasser. Si quelqu'un baille, il y en a qui sont ramassés. Bon, et tu vas dans un spectacle, par exemple, de comique, plus ça va rire, plus ça va rire. Si ça part mal, les gens savent plus s'il faut qu'il y ait, bref, bon. Alors, l'humain, l'âme, est totalement manipulé par l'astral extérieur, comme par l'astral du monde de la mort. Comment sont digérées nos âmes, nos mémoires dans le monde de la mort? Qu'en advient-il après? Et l'esprit, que devient-il? C'est souvent difficile à comprendre. Évidemment, il faut peut-être qu'on m'écoute souvent ou qu'on s'écoute souvent. Mais l'esprit ne devient rien parce que l'esprit ne devient pas. Bon. Comment sont digérées nos âmes? Je l'ai parlé un peu tout à l'heure, dans la période de questions, donc la personne ne le savait pas, je n'étais pas en parler. Tout ce qui... C'est exactement comme si vous aviez une âme blanche. Dans le monde de la mort, chaque longueur d'onde se sépare. Alors, progressivement, il y aura une couleur qui va commencer à apparaître à travers le blanc, et le blanc va commencer à changer de couleur. Cette couleur-là, elle va se mélanger à la couleur qui est ambiante là, donc elle va disparaître dissoute. C'est le rouge, tout elle disparaît tout dans le rouge. Et progressivement, on va monter jusqu'au bleu ou le violet, l'ultraviolet. On pourrait parler, c'est la haute sphère spirituelle. Et là, la meilleure partie de votre conscience se retrouve là. C'est pourquoi dans la théologie catholique, on dit que l'humain, dans la phase purgatorielle, voit des parties, il purge, il paye. Il faut comprendre que la partie la plus hautement spirituelle, le fait de baigner consciemment dans les parties les plus basses, ce n'est pas très plaisant pour elle. Mais Dieu vous punit. Il n'y a aucune punition là-dedans, c'est une question de mécanique. Puis à un moment donné, progressivement, on vous purge, c'est-à-dire que purgatoire, purger. Purger veut dire éliminer. On élimine de la conscience plus haute les parties expérientielles plus basses. Alors, le rouge disparaît, il y aura l'oranger, bon, il y a des couleurs qui vont disparaître. Et progressivement, ce que vous avez de plus blanc se retrouvera uniquement avec lui-même. Alors il dira, bon, je suis libéré. Mais en réalité, 90% de votre âme est morte. Autrement dit, vous venez de perdre tout votre corps physique, il ne reste que votre tête. Parce que la théologie nous prépare à jouir de cela, on ne s'en plaint pas. C'est comme si physiquement, le but ultime était d'avoir rien qu'une tête. Mais venez d'un accident, tu perds deux jambes, tu es heureux. Tu te diriges vers l'évolution, mais tu n'es plus ce que tu étais. Et la phase purgatorielle fait que l'humain se digère progressivement, et quand il reste juste la tête, il est super heureux, et il est totalement digéré aussi, puis il n'est plus là non plus. Ce que l'humain doit comprendre, parce que les égos, c'est souvent très, très peu heureux, assez que ça peut totalement colorer ce que je dis ou colorer ce que l'humain peut comprendre pour vouloir dire non. Ça se peut pas. Pourquoi? Parce que je veux pas, finalement. Là, qu'est-ce qui arrive d'une conscience spirituelle très élevée qui est dissoute à travers le reste? Elle ne le saura jamais. Comme d'ailleurs aucune des consciences. Tout ce qu'il va savoir, c'est que ce qui vous fait mal s'en va. Ce qui est bas souffre de ce qui est haut. Ce qui est haut souffre de ce qui est bas. Donc, chaque partie va se rendre compte que ce qui lui fait mal s'en va. Et prenons l'exemple. Vous avez un ego qui dit tout le temps, moi, je veux taper dans le mur. Puis un autre ego qui dit, moi, je ne veux pas taper dans le mur. Dans le monde de la mort, les deux se séparent. Celui qui veut taper dans le mur sera mort digéré par toutes les mémoires qui veulent taper dans le mur. Fait qu'il dit, moi, je veux taper dans le mur, paf! Ils sont 1 milliard à dire ça, ils tapent tous dans le mur. Ils sont tous heureuses. Et chacun est convaincu maintenant d'avoir du libéré. Enfin, je suis débarrassé de l'autre qui m'empêchait de taper dans le mur. Puis la partie qui se dit, moi, je ne veux pas taper dans le mur, subitement, elle se dit, hey, ça marche, je tape dans le mur. Elle est digérée à travers des millions de personnalités qui disent, je ne veux pas taper dans le mur. Donc, l'individu reste convaincu qu'il est lui-même, alors qu'il est finalement plus énergisé qu'avant, plus puissant qu'avant, parce qu'il est pas mal plus grand qu'avant. Quand il va se réincarner, il va redescendre, il va peut-être retrouver les parties qui veulent taper dans le mur, puis il va recommencer à bouger un corps physique de façon à le faire sécréter. Bon, alors il arrive ça, ça se digère comme ça. Il n'y a pas de souffrance réelle. Tant que c'est en séparation, il y a comme des souffrances, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Et quand c'est séparé, tout le monde est content. Personne ne sait ce qui leur arrive. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Tout le monde est content. Pour attirer des mémoires incarnationnelles d'enfants, pouvons-nous devenir chastes afin d'accélérer le processus de rajeunissement? Ça fait partie intégrale du programme. Lorsque nous ne sommes plus assujettis aux mémoires incarnationnelles et que l'entité moroncielle se manifeste et fusionne dans l'esprit, est aussi une méthode de rajeunissement. Oui, il y en a plusieurs. Pour tous les goûts. Quand le Nazaréen disait « Vous devez redevenir un petit enfant », ça faisait plusieurs choses. On parle de l'attitude. Justement, au niveau christique, au niveau supramental, on parle uniquement de l'attitude, mais nécessairement, les corps physiques ont fini par perdre le goût des relations sexuelles. La personne peut dire, D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes, de moines entre autres, ou de sœurs, je ne parle pas juste de la religion catholique, je parle de tous les phénomènes religieux, parce que ça s'est vu partout, qui ont voulu vivre de chasteté. L'énergie sexuelle, c'est de l'énergie vitale. Il y a de cela très très longtemps, même un peu avant, l'être humain n'était pas pluricellulaire, puis il se divisait par multiplication, donc par transpiration. À un moment donné, il est devenu sexué parce qu'une grande partie de l'énergie sexuelle qui sert à la reproduction a commencé à monter le long d'une colonne vertébrale pour aller développer un cerveau et un centre laryngé pour lui permettre de parler. L'adolescence, l'enfance, lui, doit développer son cerveau, doit créer une maturité cérébrale et il n'a pas de besoin sexuel. Il ne se reproduit pas non plus. Quand, dans cette époque, en Lémurie, l'humain a commencé à perdre une partie de son énergie sexuelle de reproduction pour créer un centre laryngé et un cerveau, il n'avait plus suffisamment d'énergie sexuelle pour se reproduire, d'où l'obligation de se sexuer pour aller se mettre deux à deux, enfin un à un avec l'autre, pour prendre l'énergie sexuelle des deux pour arriver à engendrer un. L'humain est devenu sexualisé, comme la majorité des mammifères, parce qu'à l'époque, on ne savait pas quel animal deviendrait l'humain. Donc, plusieurs mammifères, plusieurs animaux ont été sexués. L'enfant n'a pas de besoin sexuel parce qu'il n'a pas d'énergie sexuelle à développer là. Lorsqu'il a finalisé la programmation neuronique, il devient adolescent, il devient sexué, il commence à avoir de l'énergie sexuelle et sa cérébralité commence à diminuer après un certain laps de temps. Donc, nécessairement, ça en fait partie. Sauf qu'on ne peut pas forcer la chasteté. Pourquoi? Parce que toute l'énergie que la chasteté peut nous amener, on s'en sert pour préserver notre chasteté. Ce n'est pas suffisamment évolutif. Mais nécessairement, dans le processus de réintégration des mémoires du passé, de notre jeunesse, ou simplement des enfants, on redevient progressivement, pas chasteté pure, il n'y a pas de pureté dans la chasteté, c'est autre chose. On redevient pur, progressivement, au niveau de la transparence de l'ego, l'ego est de moins en moins là, et nécessairement, on devient de moins en moins asservi, assujetti aux besoins sexuels. La chasteté mène-t-elle à l'anégoïsation? Souvent, la chasteté mène à l'égoïsation. Pourquoi? Parce que ça fait partie de l'évolution méritoire et souvent, les êtres humains qui essaient d'être chastes en sont fiers. Enfin, ils se synergisent avec. Alors, ça ne mène pas. Habituellement, ça mène à l'égoïsation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'évolution ne doit pas être méritoire. Ça fait partie de l'évolution de l'ère du poisson. Elle doit être facile, elle doit être plaisante. Donc, au lieu de travailler sur ce que vous ne pouvez pas accomplir tout de suite, laissez-vous donc travailler dans ce qui peut s'accomplir tout de suite. Être végétarien, c'est mieux que d'être carnivore. Et présentement, je mange la viande, j'ai besoin de viande, je suis malade quand j'ai pas de viande. Mais cesse de perdre du temps et d'énergie à vouloir être végétarien. Commence donc par cesser de chialer quand il pleut, c'est peut-être plus facile, puis mange la viande. Puis progressivement, à un moment donné, ce sera le temps d'être végétarien, c'est-à-dire que progressivement, ton corps va rejeter la viande, tu n'auras pas le goût de viande, tu auras le goût de légumes. Puis progressivement, ça va s'ajuster. C'est sûr que si on pourrait tout faire d'un coup, mais on ne peut pas, tant qu'à ne pas pouvoir, il ne faut pas en plus qu'on perde de l'énergie à contrôler ceci ou cela. Hein? On connaît des végétariens qui ne sortent pas, qui ne vont pas dans leur famille, même s'ils aimeraient ça. Pourquoi? Parce qu'ils mangent des œufs, eux autres. Ben oui, l'énergie qu'ils gagnent en végétant à rien, ils la perdent comme ça. Ça serait plutôt l'inverse, c'est l'anégoïsation qui mène à la chasteté. L'anégoïsation va mener à la chasteté. Si on travaille réellement sur ce qu'on est, tous les symptômes secondaires de l'évolution vont apparaître. Si on cherche les symptômes secondaires de l'évolution, on n'aura que ça. Une chasteté sans névrose, ni effort, est-ce que ça existe réellement? Ben oui, absolument. Sans qu'on force la... Je sais pas quoi. Ben, c'est évident que ça existe. Demandez pas qui. Mais c'est évident que ça existe. En bas de 12 ans, ça existe facilement. Mais même chez l'adulte, c'est évident que ça existe. Si l'homme n'a pas de volonté propre, qu'advient-il de son libre arbitre? Est-il responsable? Ben, absolument pas responsable, l'homme. Ni la femme, d'ailleurs. Ni l'enfant. C'est long. À un moment donné, on fera une conférence plus globale sur ce phénomène du libre-arbitre, mais imaginez simplement que chaque fois que vous faites quelque chose, vous savez après si c'était bon ou pas bon. L'humain peut dire, ben non, mais maintenant, tu sais, je ne me mets pas la main sur le poil, je sais avant que c'est pas bon. Oui, parce que vous l'avez appris. Mais si vous ne l'auriez jamais appris, vous l'auriez su par l'expérience. L'humain apprend par essai et erreur. Vraiment grande preuve qu'il n'a pas de libre arbitre. En plus, l'humain sait si c'est bien ou mal après l'avoir fait jamais avant. Preuve qu'il n'a pas de libre arbitre. On peut vous instruire. Mais si on ne vous instruit pas, l'avez-vous le libre arbitre nature? Non. En plus, on n'a pas le corps physique qu'on aimerait avoir, toujours en train de le tripoter pour l'améliorer. On n'a pas le mari ou la femme ou les enfants qu'on voudrait. Oh, on s'en accommode. On n'a pas la température qu'on veut. On n'a pas les maladies ou la santé qu'on veut. On achète des billets de loterie pour perdre si on a du libre arbitre. Sinon, si c'est pour gagner puis on perd, c'est qu'on n'en a pas. Il n'y en a pas. Mais ni dans la conscience, ni dans ce que l'on veut faire. On veut faire le bien, souvent on fait le mal. Des fois, il y en a même qui font le mal, puis ça donne que c'est merveilleux. L'humain n'a pas de libre arbitre, ce qui fait que l'humain ne devrait jamais se culpabiliser. La culpabilité, elle brûle l'énergie qui permet l'énergification, donc l'évolution. Et c'est pourquoi il y a certaines mécaniques sur lesquelles on pourra revenir dans le mensonge cosmique, puis dans une prochaine conférence. Je ne sais pas c'est quand, mais en tout cas, ça s'en vient. Et en parlant de cela, on verra pourquoi et qu'est-ce qui a implanté dans la conscience humaine l'idée du libre-arbitre qu'il devait nécessairement nourrir par la culpabilité. La culpabilité vous garantit que vous avez un libre-arbitre. De ce fait, si vous n'avez pas de libre-arbitre, puis que vous faites des conneries, puis qu'à par la suite, votre intelligence vous fait voir que c'était une connerie, la culpabilité implantée va vous faire dire, pour entretenir l'idée que vous avez un libre-arbitre, que vous n'auriez pas dû faire ça. Et là, vous souffrez, l'énergie de la découverte est brûlée en culpabilité. On ne continue pas à avancer. On continue à se culpabiliser. Et c'est très dangereux. Le père, par exemple, ou la mère qui veut faire plaisir à son enfant, elle a le libre arbitre du bien et du mal. Faire plaisir à son enfant, est-ce que c'est bien ou mal? Ça fait 2 ans qu'il veut un ballon. Est-ce qu'il y en achète un ou non? Est-ce que c'est bien ou mal? On n'y en achète pas, c'est bien, on y en achète, c'est mal. Mais non, on y en achète, c'est bien. On lui donne un ballon, il est heureux, c'est merveilleux, on a fait le bien. Le ballon traverse la rue, l'enfant court après, il y a un camion qui passe dessus puis tue l'enfant. Voilà ce qui est arrivé. Alors là, le père ou la mère, oui, mais si j'avais su, oui, elle ne sait pas avant, elle n'a pas de libre arbitre. Il y a le plan de vie de l'enfant puis son plan de vie à elle. Puis là, est-ce qu'il s'en coupable? Si je n'aurais pas acheté, c'est vrai. On t'aurait traité de chien ou de chienne toute ta vie. Ton enfant t'aurait détesté toute ta vie, mais tu aurais peut-être été mieux. On ne le sait pas. Puis là, ce qui va arriver, c'est que la personne, elle, qui n'achète jamais rien à son enfant, peut-être qu'elle l'a sauvé. Puis elle se culpabilise. Elle fait mal. Tout le monde fait mal. Tout le monde fait bien. Bref, non. L'humain n'a pas de libre arbitre, puis l'humain ne devrait pas se culpabiliser parce que les choses fonctionnent assez bien tout seul. Ou assez mal tout seul. Mon prénom est grec et je me trouve toujours à rejeter tout ce qui est grec. Vêtements, bijoux et même les hommes. Par contre, je suis fasciné par tout ce qui est égyptien, surtout par Isis. Question. Est-ce qu'on sait, sans avoir de preuves, d'où viennent nos réincarnations? Je ne sens aucune affinité avec aucune autre nation. Premièrement, son nom grec est peut-être justement une erreur. Ça se peut. Et effectivement, il y a beaucoup de personnalités égyptiennes qui se sont mêlées au sang grec et vice-versa. Et la personne, par intuition, nécessairement, vous aimez l'art égyptien, c'est que vous avez beaucoup d'Égyptiens chez vous. Comprenez l'idée. Avez-vous déjà écouté de la musique, disons, afghane? Ou encore un concert de musique japonaise? Bon, le luth, ou le petit piano, le ding ding ding ding ding ding ding, 3 instruments, là, pendant 2 heures de temps, là, il y a un chanteur chevronné, qui chante avec ça, là. Avez-vous essayé d'écouter un opéra comme ça, pendant des heures de temps, et d'aimer ça, surtout, l'écouter, on peut toujours essayer, mais d'aimer ça. Je pensais qu'il l'opérait sans l'endormir. Là, il souffrait. C'est un opéra. Eh oui, opération manquée. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il y a des individus qui apparemment ont des cerveaux et des oreilles pour aimer ça. Alors, il y en a qui écoutent des conférences aux années. Exactement. Même chose. Puis qui écoutent les intervieweurs. Il y en a qui écoutent de la musique classique, puis ils sont là. Puis il y en a d'autres, là. Tu me traches là-dedans. Ça dépend de ce que vous réincarnez et de ce que votre cerveau en fait. Êtes-vous, réincarnez-vous des personnalités qui ont toujours été, par snobisme, rejetées des grands opéras classiques de l'époque? Alors, en écouter, ça vous rappelle de très mauvais souvenirs. Avez-vous déjà été des personnes qui y allaient là-bas avec les gros bijoux? En écouter, ça vous rappelle de très bons souvenirs. Bon. La personne, elle dit, moi, je rentre, je, par exemple, je vais voir l'exposition de Ramsès, puis je vois des choses, puis moi, on se dit que c'est beau. Puis une autre personne passe à côté, puis franchement, il n'y a pas grand-chose, tu sais, il y avait trois ou quatre bibelots, des bibloquets, des hochets, le hochet du pharaon, une canne, tu sais, puis bon. Et l'autre, il regarde la canne, puis regarde ceci, puis regarde cela, puis c'est génial. Ça lui dit, non, c'est pas juste une question de comme ça, là. Tu sais, tu dois apprendre à aimer. Ça prend du temps, le temps que tu vas réincarner ce qu'il faut pour l'aimer. Alors, effectivement, elle, cette personne-là, elle réincarne beaucoup plus de l'Égyptien que du Grec. Et quelqu'un va dire, oui, mais c'est parce que, tu sais, les Grecs, ils sont comme ça. Non, non, non, parce que tu as fait des guerres contre la Grèce. Demande à un Grec, là, pourquoi qu'il déteste les Grecs? Il déteste pas les Grecs. Le racisme, c'est comme ça. Oui, mais les Haïtiens, ils sont lents, puis ils sont ci, puis ils sont ça. Embarque dans un corps d'Haïtiens. Tu veux les aimer, les Haïtiens? Alors, regarde les Blancs maintenant, allez. Comment ils sont pressés, puis stressés, puis comment... C'est toujours la même chose. Ça dépend de ce qu'on réincarne. Donc, quand on parle de bon et de mauvais encore, faire bien attention. Les sept péchés capitaux, les sept dons de cet esprit, sont-ils des canaux réincarnationnels? Non. Si oui, c'est non. Il y a deux questions. Recommence par la première pour commencer. OK. Les sept péchés capitaux, pour sauter là, bon. Sont-ils des canaux réincarnationnels? Les sept péchés capitaux sont la l'agglomération, souvent ésotériquement, parce qu'en réalité, il y a plus que sept péchés, hein, mais on parle de capitaux, ceux qui nous ramènent le plus de capital karmique noir. Les sept péchés capitaux sont des mécaniques qui nous permettent, ce sont les mécaniques les plus basses de sept différents plans qu'on retrouve dans le monde de la mort. Mais en réalité, il y a plus que sept plans dans le monde de la mort, mais on parle souvent de sept, on parle de sept péchés capitaux. Si on étudie chacun de ces phénomènes-là des sept péchés capitaux, on va découvrir qu'effectivement, un être humain transparent n'a pas ces conneries-là. Et pourquoi on parle de péchés capitaux? C'est qu'un de ces péchés-là engendre plein de petites choses qui ne sont pas nécessairement originalement conséquentielles, qui ne sont pas intelligentes. Alors, l'Église a réussi à cerner, à un moment donné, des mécaniques très particulières, sans nécessairement comprendre toute la phénoménologie de ces mécaniques-là, mais comprendre certains phénomènes. Autrement dit, si tu fuis ces sept phénomènes-là, progressivement, tu risques de, ou tu as des chances de te ramasser dans une phase d'évolution où tu n'auras pas d'ego pour pouvoir vivre ces choses-là. Mais les péchés capitaux ne sont pas graves. C'est l'ego qui les exprime, qui lui est un problème. Si tu ne vis pas ces péchés-là, tu n'as pas l'ego pour les vivre. La problématique de toutes les théologies, c'est qu'elles enseignent massivement, ce n'est pas... On peut pas leur demander de faire autrement parce que l'humain n'est pas prêt non plus. Mais ce qu'elles enseignent, c'est toujours la recherche du résultat secondaire de l'évolution et la fuite du résultat secondaire de l'évolution. Ça n'améliore pas l'humain réellement, mais ça améliore le cadre. Améliorant le cadre, ça permet à ceux qui sont amélioratifs de pouvoir s'améliorer dans un cadre. Dans quel but ont-ils été créés? Ben, je ne sais pas si c'était ça le but, mais... C'est que, non, c'est très long à expliquer. Par qui? On va parler du mensonge cosmique, puis de ces choses-là. On va parler beaucoup, beaucoup de, justement, ce qui a implanté les forces géoviques, yaviques, élohimiques, etc. On va en reparler. C'est quand, cette conférence-là? Le 29. Ah, ben c'est le 29 juin, voilà. Bon, à peu près. Dans deux semaines, quoi. Décrivez les impressions que l'on ressent lorsque l'on se fait digérer par le monde des morts. Ça chatouille un peu partout, ça pique. Ça ne sert à rien, on peut décrire, mais on doit comprendre premièrement que ça dépend de chaque individu, ça dépend de la coloration qu'il aura, c'est-à-dire de l'expérience que son corps physique lui a amenée. Exemple, on parle de masochiste. Une personne, on le pince, là, puis aime ça. Oui. Quand on le pince, l'impression de douleur arrive dans une région du cerveau qui décode le plaisir. Alors, quand on le pince, ça stimule le plaisir, ça sécrète des endorphines, puis il aime ça. Quand il va dans le monde de la mort, il peut s'amuser comme un fou ou comme une folle. D'autres personnes, quand on les pince, ben, ça va dans une région qui décode la souffrance et il aura mal. Une personne n'est pas folle parce qu'elle est masochiste, elle est structurée différemment. Bon, c'est pareil. Quand une personne rentre dans le monde de la mort, ce qu'elle va vivre en termes d'impression ne sera basé que sur ce qu'elle aura cumulé comme information mémorielle. Elle n'a pas de corps physique pour savoir, donc elle ne peut pas goûter avec la chair. Elle n'a pas de corps vital non plus, elle ne peut que connaître à partir de la mémoire, donc ça dépend des individus. Exemple, vous aimez certaines couleurs, vous n'aimez pas d'autres couleurs, ça dépend de votre corps physique. Dans le monde de la mort, il y aura donc des impressions qui vont vous plaire, d'autres qui ne vous plairont pas, on ne peut pas décrire. Mais c'est uniquement en fonction de la mémoire que ça va se passer, et plus souvent qu'autrement, c'est extrêmement plaisant de pénétrer le monde de la mort pour un égo. C'est rarement souffrant. Qu'est-ce qui est souffrant, c'est quand l'âme est tellement basse, tellement pesante, disons un alcoolique invétéré qui meurt alcoolique, et qui là, qui décide de... qui est encore dans la, entre le monde de la mort et le monde de la matière, dans le plan moronciel, et là, il décide d'aller dans une taverne, et là, il veut boire, il veut renourrir la mémoire de l'alcooliste, alors il voit un verre, alors il essaie de boire, il n'y a pas de corps physique, il ne peut pas boire, ça c'est l'enfer. Alors, il rentre dans un alcoolique, souvent pour pouvoir bénéficier de l'alcooliste. Et là, l'alcoolique, possédé par les mémoires qui viennent, se boit un peu plus, il boit de plus en plus, il boit mieux. Il devient de plus en plus alcoolique. Et là, il bénéficie un peu parce qu'il bénéficie du corps de l'autre. Mais progressivement, il est digéré, il commence à monter, il quitte l'enfer, il gagne le purgatoire et s'en va. La semaine prochaine, le 22 juin... Le bien du mal et le mal du bien. Au revoir, au même endroit. Bonne semaine. Bonne semaine, oui.